Je vais vous décider, dit le père Goriot, en sortant de son extase. Mon cher monsieur Eugène, vous allez emprunter de l'argent à des juifs, n'est-ce pas? Il le faut bien, dit-il. Bon, je vous tiens, reprit le bonhomme, en tirant un mauvais portefeuille en cuir tout usé. Je me suis fait juif, j'ai payé toutes les factures, les voici. Vous ne devez pas un centime pour tout ce qui se trouve ici. Ça ne fait pas une grosse somme, tout au plus 5 000 francs. Je vous les prête, moi. Vous ne me refuserez pas. Je ne suis pas une femme. Vous m'en ferez une reconnaissance sur un chiffon de papier, et vous me les rendrez plus tard. » Quelques pleurs roulèrent à la fois dans les yeux d'Eugène et de Delphine, qui se regardèrent avec surprise. Rastignac tendit la main au bonhomme et la lui serra. « Eh bien quoi? N'êtes-vous pas mes enfants ?» dit Goriot. « Mais, mon pauvre père, dit Madame Nucingen, comment avez-vous donc fait ?»« Ah, nous y voilà, répondit-il. Quand je t'ai eu décidé à le mettre près de toi, que je t'ai vu achetant des choses comme pour une mariée, je me suis dit, elle va se trouver dans l'embarras. L'avoué prétend que le procès à intenter à ton mari pour lui faire rendre ta fortune durera plus de 6 mois. Bon, j'ai vendu mes 1 350 livres de rente perpétuelle, je me suis fait, avec 15 000 francs, 1 200 francs de rente viagère bien hypothéquée, et j'ai payé vos marchands avec le reste du capital, mes enfants. Moi, j'ai là-haut une chambre de 50 écus par an. Je peux vivre comme un prince avec 40 sous par jour. Et j'aurai encore du reste. Je n'use rien. Il ne me faut presque pas d'habits. Voilà 15 jours que je ris dans ma barbe en me disant « Vont-ils être heureux ?» Eh bien, n'êtes-vous pas heureux ?